Il n'a pas le culot de dénoncer les États-Unis et l'Angleterre qui ont armé le Rwanda pour le déstabiliser, pour tuer les Congolais, pour faire en sorte que les Congolais soient des immigrés dans le monde. Non, le gars, il se focalise simplement sur Paul Kagame. Oh, il faut le condamner, oh, il faut le sanctionner. Il croit que l'ONU est là pour, pour le chouchouter. Mais Paul Kagame, c'est le chouchou de l'ONU. Si je peux le qualifier Paul Kagame, je vais dire que c'est le septième membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU parce qu'il a le droit de crime sur le sol africain sans être jugé. Et c'est sur le peuple congolais et déstabiliser toute la sous-région de l'Afrique centrale sans être inquiété par quoi que ce soit. Afrique Média, le monde, c'est nous.